matinale des 18h, l'émission décalée des fagettes. Bonjour matinalien, matinalienne de la matinale de 18h. Oh mais, où es-tu, Jocelyn? Bah oui, il n'est plus là. Jocelyn n'est plus là, il a un problème de chat. Ah oui. De chat même. Ouais, qui il veille sur son animal. Ouais, bah oui, parce qu'il faudra qu'il vous raconte quand même, le pauvre petit chat, il l'a fait, stériliser Ouais, stériliser, et puis s'est rendu compte qu'il avait des petits kystes, alors il a fallu enlever. Oh, vous êtes mignonne. Oh, il appréciera la démarche. Alors que moi, ça me dégoûte. Hein. Voilà. Donc là, elle est un peu stone et voilà, mais elle reviendra plus fort. Et elle, le chat aussi, enfin la chatte aussi, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive-tu, Jeanne? Jeanne, je vois que t'as rimélé. J'ai très loin ton œil. Bah, c'est un sacré coup de rimmel. Belle balafre qui va de l'extrême gauche de l'œil. Moi, j'ai fait la guerre, moi. Jusqu'à l'oreille. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est mon petit chat de 4 mois aussi, ma c'est petite chatte, ouais. Ah ouais, quand même, d'accord. Bah ouais, elle a l'habitude de dormir sur mon visage en ce moment, c'est un peu... Ah mais la paupière aussi, elle est flinguée. Mais c'est surtout là que c'est un peu grave, c'est là où il y aurait dû y avoir des... Ah oui, parce que ça cicatrise pas super. Des points de suture, parce que là du coup c'est infecté, je suis allée chez le médecin hier, et du coup je suis sous antibio pendant 7 jours. Vive les chats, vive la chasse, oui, c'est la coup, journée du chat. Du coup, je l'ai jeté par la fenêtre. Peut-être que la leçon, c'est ne pas laisser son chat dormir sur son visage. Non, alors la leçon déjà, c'est que je lui ai coupé les griffes. Non, t'as pas fait ça. Bah bien sûr que oh, si. Oh, quelle horreur. Non, mais tu peux chez un chat. Hein. Bah si, il faut juste s'arrêter là où c'est rose. Ah oui, ça le va repousser alors. Bah oui, ça va repousser. Ah bon, mais t'as pas complètement dégriffé l'animal. Bah non, je suis pas débile non plus. Non, pour être sûr, elle lui a coupé une partie de la patte. Ça, on est vraiment sûr. Mais je crois que ça repousse quand même. Elle a deux moignons, comme les lézards. Comme dans Harry Potter, effectivement. Alban, t'as un chat? Pas du tout. Ouf, donc tu vas bien. Ça se voit, donc elle est moi, belle. Moi, je vais bien. Mais ouais. Ça se voit, elle est belle. Elle a pas besoin d'avoir de chat, elle est belle. Ouais. Elle a aucun rapport. Elle arrête de travailler à 11h du matin. Je suis à la bibliothèque depuis. Depuis 11h du matin? Oui. Ils t'ont pas libéré? T'avais pas les clés? Ou non, c'était mais quoi, voilà, le j'ai décidé, mais... je me suis dit, conditionnement, bam. Mais tu là, travailles travaille, à la bibliothèque, mais oui, toi? Je travaille. Oh. Comme ça, je me dis, là, j'ai aucune distraction. Ah, moi, je pouvais pas, moi, à la bibliothèque, j'étais obligé de draguer. Et à tout, la BU, aussi, sûr. Quoi. Et toi, James, tu n'as pas de chat non plus. Non, j'ai jamais mis les pieds à la bibliothèque aussi. Jamais. Si ce n'est avec des cartes, peut-être, pour faire une partie de poker avec des étudiants. Ouais, ou avec des cartes du monde. René, des cartes. Oh, c'est tellement beau. Il t'est arrivé quoi cette semaine, James? Bah écoute, à chaque fois que tu me demandes ça, je devrais me préparer avant parce que je ne sais jamais le dire. Je suis pris au dépourvu et je suis là genre qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'accueil d'un théâtre, d'un spectacle d'impro. Et voilà. Ah, donc j'ai vu pas mal de nos auditeurs qui venaient et qui donnaient leur ticket. Moi, qui t'ont reconnu à la voix. Bon spectacle. Non, parce que je disais bon spectacle et c'est tout. Ok, mais énorme. Je l'ai bien fait, oui. Bon, très bien, et parce qu'on a une émission, on va tout de suite attaquer le journal. Alors attends, je me mets déjà sur les titres parce que je sens que ça va prendre du temps, parce qu'on a tellement parlé sur le groupe que le temps que je retrouve. Oui, petites infos croustillantes, je sais que nos auditeurs adorent avoir un peu les backstage de l'émission, mais on a une conversation Facebook où on prépare un peu tout. C'est ça. Voilà, on parle. Enfin, c'est plutôt de dire. Qui n'a rien fait. Ou qui est, voilà. C'est plutôt ça. Oui, et surtout en ce moment, c'est de trouver un créneau où on est tous ensemble disponibles pour enregistrer, parce que ça, c'est la croix et la bannière, hein, de nos jours. Allez! Il est 18h passé de quelques minutes, c'est le J2T, encore une fois. Ah non, JAT. Parce que James, Alban, Tristan. Oui, voilà. Le JAT. Le JAT, le fameux JAT. Et on commence tout de suite avec les informations nationales et internationales avec James. La cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de démineurs aura lieu ce samedi. En effet, ce célèbre jeu d'ordinateur où il faut éviter à tout prix les mines, vous le connaissez sûrement, verra ses plus grands pratiquants s'affronter pour le titre suprême durant la quinzaine qui vient. C'est à Tokyo qu'aura lieu cette cérémonie et c'est la chanteuse Iggy Azalea qui ouvrira avec un énorme show avant le traditionnel allumage de la mine, une compétition que l'on peut suivre quart d'heure par quart d'heure sur notre antenne. Formidable. L'Assemblée nationale islandaise vote une loi contre les éruptions volcaniques. Face à la pression de la communauté internationale qui ne veut pas devoir annuler des centaines de vols comme la dernière fois qu'un volcan avait éclos en Islande, l'Islande a décrété que tout volcan entrant en éruption sera passible d'une amende et même de 6 à 12 mois de prison. On verra si cela suffit à dissuader l'activité volcanique de la région de Grindavik. Pardon, laisse-moi dire le nom. Grindavik. Grindavik. Et enfin, James a retiré un message. Non, ça, c'est vraiment que tu as retiré un message et c'est écrit ça. Le gouvernement va mettre en place une politique de prévention pour rendre l'inflation plus sympa. Cela passe par la création d'une mascotte qui a été dénommée Bouffila, un gros ours glouton qui aime manger les prix. Cette mascotte, censée représenter l'inflation, permet de lui donner un visage plus familial et permet ainsi à toute la famille d'accueillir l'inflation comme un phénomène commun, voire clairement bienvenu. Bouffila sera présent mercredi au prochain Conseil des ministres. Je crois que tu sais faire la voix de Bouffila, Jane. Jeanne. Jane. De Bouffila, oui. D'accord, merci. Wow. Exactement, un gros ours glouton. On passe tout de suite aux informations locales avec Alban, un Romary Montain, Paris, que la France va battre Gibraltar sur le score de 13 à 0. On rappelle que la victoire était de 14 à 0. En effet, personne n'y croyait lui trop. C'est à la suite d'un échange avec une diseuse de Bonaventure lors de la cérémonie du 11 novembre que cet homme a eu vent des scores. Sauf que, malheureusement, la diseuse de Bonaventure était dyscalculique, ce qui a valu un léger décalage. Cet homme a donc, en effet, perdu tous ses biens, mais est malgré tout heureux de son équipe de France. Et voilà, réautorisation du glyphosate pour 10 ans, décidée jeudi 16 novembre par la Commission européenne, le même jour que le Beaujolais nouveau. Coïncidence ? Nulle coïncidence ici, il s'agit bel et bien d'un acte de lutte de la part des vignerons Beaujolais. À la suite d'une enquête, on aurait découvert que le glyphosate serait particulièrement efficace dans la région Rhône-Alpes, favorisant la récolte viticole. Loin de vouloir en profiter, les vignerons ont décidé que l'argent récolté suite à la vente de leur vin servirait à financer une campagne de lutte anti-glyphosate, avec pour slogan « distiller pour mieux régner ». C'est ce qu'on appelle « joindre l'utile à l'agréable ». Et quel goût a le glyphosate cette année ? Alors, il a un goût un petit peu moelleux, mais tout de même un peu sec et aigre. Banane. Mais avec de la banane. Ouais. D'accord. Et enfin, une conseillère régionale des Vosges mise en examen pour avoir drogué à son insu un conseiller municipal de Raon. C'est lors de l'Assemblée Générale Je vois la vie en Vosges que la conseillère régionale propose au conseiller municipal de Raon de goûter son omelette aux champignons. Voilà. Malheureusement, ce sont des champignons hallucinogènes qui ont fait peur à toute l'Assemblée puisqu'il se comportait comme un Parisien. Les intentions de la conseillère régionale auraient été purement humoristiques. Elle dit avoir voulu détendre l'atmosphère. La pilule a malgré tout du mal à passer. Jeanne, tu peux nous faire le Parisien ? Merci, Jeanne. La météo. Si vous voulez, je laisse le générique le temps que l'un de vous deux se décide à faire la météo. On va juste laisser le générique, non ? Voilà. Hop. Attention, elle est passée juste à côté de ma tête. Ah, j'ai de l'eau sur les pieds. Chocolat glacé, caramel. Ça, c'est de la météo. Ouais, c'était bien. Hein. Qu'est-ce qu'il est arrivé un 23 novembre, James ? Là, pour le coup, c'est toi. Je vais faut le dire. Muse Uprising. We'll be right back. Ça me fait penser à son truc de Mew la dernière fois, les chansons. Voilà. Wow, ouais, c'était tellement marrant. Oh, tu nous refais, tu t'en refais un. Ah ouais, s'il te plaît. Ah ouais. La matinale de 18h, l'émission décalée de Fadjet. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, j'en refais un, c'est que là, il y a deux semaines, j'ai fait un blind test, mais en chantant comme si c'était un chat. Voilà. Et vous avez été bien, hein, vous avez été bien. Hein. Ou alors drôle. C'est là que je me dis, tiens, je fais bien le chat qui chante. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. Alors nous sommes le 23 novembre, je ne précise pas qu'il reste que 38 jours dans cette année 2023 qui est passée extrêmement vite. Et je vais tout de suite vous parler de quelqu'un que peu d'entre vous vont connaître, Victor Hugo. Sauf un, qui s'appelle Jacques Mayol. Jacques Mayol, ouais, Jacques tu Mayol. Connais, voilà. Bah, c'est un humoriste. Il y aurait deux noms et un oui. Jacques Mayol, en fait, c'est surtout un plongeur, un apnéiste français. Oh putain, mais oui. Je confonds. Mais oui, Jacques Mayol, le Grand Bleu. Oui, il a joué dans le Grand Bleu, apparemment. Mais non, si, il joue. C'est l'histoire de Jacques Mayol. Oui, mais il joue dedans, quoi. Oui, c'est vrai, il a un tout petit. Donc, il s'appelle Jacques Mayol, surtout. Mais en fait, l'intérêt, c'est qu'en 1976, le 23 novembre, il a dépassé le record de plongée en apnée. Il a fait 100 mètres. 100 mètres en apnée, comme ça, hop, on va sous l'eau, on fait 100 mètres en profondeur. Le premier au monde. Voilà, le premier à faire 100 mètres. Il avait 49 ans. Donc c'est quand même impressionnant. À 49 ans ? Ouais. Mais je peux encore le faire jusqu'au mois de mars. Mais moi. Voilà, toi tu peux encore, c'est pour ça. En fait, il y avait un message, je voulais que tu comprennes que c'est pas fini pour toi. C'est pas fini, ouais, mais la Meurthe, il y a 100 mètres de profond ou pas ? Ouais, mais si tu le fais en largeur et que tu la retournes. Ah oui. Ah ouais, oui. OK, je l'ai. D'accord, OK. Ouais. Alors, en 1592, il y a eu la naissance de Jacques Mayol. Si ça t'intéresse pas ce que je raconte, Jeanne, tu me le dis. Hein. Ouais, elle est en train de regarder son téléphone. C'est quand même incroyable. Je trouve qu'elle fait des vidéos de son chat. En plus, là, ça va t'intéresser parce que je peux te dire qu'en 1592, il y a eu la naissance d'Eustache de Chéry de Montgazon. Mais non. Si. Oh là là. J'ai trouvé son nom qui était excellent. Alors, je voulais absolument. Tu peux répéter. Eustache de Chéry de Montgazon. Oh la vache. Et son métier? Il était près de la France, évêque de Nevers, c'était. Évêque. C'était un évêque, ouais. Ouais. Alors, j'ai aussi noté le nom de son armoirie. Enfin, vous avez son héraldique. Son quoi? C'est son blason, en fait. Son blason. C'est, oui, d'accord. Il y a un code. L'héraldique, c'est en fait la science en fait. Qui étudie les blasons. Et en fait, des blasons, t'as des codes qui sont très précis pour décrire comment est le blason. Bon, vu que personne ne connaît, donc je vais le dire quand même au cas où il y a des admirateurs. C'est d'azur au chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent boutonnées du second émail. Voilà. Oh, ouais, comme par hasard, il va parler du boutonné. Et on salue toute la famille d'Eustache de Chéry de Montgazon qui nous écoute, évidemment, depuis Nevers, parce qu'ils sont en Bourgogne. Nevers, c'est une ville où je suis déjà allé, d'ailleurs. Ah bah, puis c'est ta région natale. Voilà, ma région natale, la Bourgogne, que je salue. En 1947, là, on va tous connaître, là, il s'appelle... je vais vous limiter et vous allez devoir le reconnaître. Ah ouais. En fait, là, du coup, vous n'allez pas réussir, à part vieux, Tristan, s'il est gentil avec moi. Eh oui, il est né en 1947. Philippe Risoli. Non. Non. Et... Alors, Jean-Pierre Foucault. Oui, c'est ça. Oh, bien joué. Ouais, non. Alban me regarde avec des airs. Tu connais pas Jean-Pierre Foucault? Jean-Pierre Foucault aussi, mais Jean-Pierre. L'imitation est un petit peu compliquée. Ok. C'est votre dernier mot. C'est pire. Un autre qui est né en 1953. Mais c'est fou comme il y en a qui sont nés. Il est né en 1953. C'est là. Ah, Cabrel. Oui, Francis Cabrel. Mais non, c'est. J'allais dire Stéphane Bern. Quoi, ça t'a fait penser à Stéphane Bern? Ça m'a fait penser à Francis la Suisse, Cabrel, même. Berne, la capitale de la Suisse, Berne. Ah, oh, oui, Berne. D'accord. Waouh, wow, okay, d'accord. Super, merci. C'était pas du tout la question. C'était Francis Cabrel, là. Oui, c'était Francis. Oui. Mais j'étais pas. Oh. Pas au mari, c'est petite Marie. J'allais dire au Vladimir Poutine, parce qu'il y avait les Guignols qui avaient fait une chanson là-dessus. Bref. Alors, donc, voilà, Cabrel en 53, naissance, ok. On a également un acteur français que je n'ai pas imité, parce que tout simplement, je ne sais pas trop quelle voix il a. Si je devais me risquer, ça serait un truc du genre. Mais c'est pas possible, non. Lucky. Ça n'a aucun sens. Lucky. Non, pas du tout. C'est en quelle année ? Parce qu'en fait, la seule phrase que j'ai lue, c'est une insulte. Oui, c'est une insulte qu'il profère dans un film américain. Lambert Wilson. C'est en quelle année? Pas loin, il aurait pu. Il est né en 66. Omar Sy. Non, il est plus jeune que ça, Omar Sy. Ouais. Pas loin de. Alors là, est-ce que je peux faire des insultes si c'est une citation de film? La première lettre. Les premières lettres. De quoi? Des insultes? Ouais. Ah, ok. B de B de M de. Bon, je sais pas. Non, okay, ça serait pas Berléand? Non, c'est. Non. Je vais le dire, de toute façon, vous trouvez jamais. Vincent Cassel. Ah, Cassel. Merci. Voilà. pour son insulte. T'aurais pu faire la haine. Oui, mais je connais Ochunde. C'est moi qui te parle là. Ah, ok, c'est lui. Je savais pas que c'était lui. Je crois que c'était Robert De Niro. Talking to me. Mais non, mais il fait une reprise justement. Ah, oui, d'accord, même. Ok. D'accord, je ne connais en pas. En français. Alors, également en 1983, la naissance d'Emma Domas. Tu seras. Sans blague. Là où là, pareil, j'aurais un seul oui et deux non. Voilà, c'est. Ah bah, sauf que le oui a changé de camp, c'est ouais, Jeanne. C'est ça, voilà. Est-ce qu'il y aura un oui pour ma part J'en ai pour toi, j'en ai pour toi. T'inquiète pas. Oui, j'ai pensé à toi pour la mort, évidemment. En 76. Pour les décès. Celle de Malraux. Oui. André. Ah voilà, là, mais pas de ouf. Pas de plus. Ouf. Entre ici. André Malraux, qui est mort, qui est un écrivain, et comme tu écris aussi, je me suis dit, vous aviez un point commun. Voilà. En 1990, peut-être, tu l'as aussi, Roald Dahl. Roald Dahl. Tu as pas, c'est Charlie et la chocolaterie. Alors oui. Mais c'est quoi ah, c'est... Okay, peut-être. Il c'est mort, qui pas. Il joue dans quoi dans, mais non, dans c'est un écrivain. C'est un écrivain en il fait. A écrit. Ah, ok, d'accord. Ah, et j'en ai un pour toi aussi, Tristan, désolé, ouais. Finalement. Louis Malle, toi tu l'as sûrement. Louis bah oui, Malle. C'est un acteur. Voilà. Non, c'est un réalisateur. C'est un réalisateur, je veux dire, qui a fait tourner. Les serviettes. Oh là là, je n'aurais pas tenté celle-là. Non, mais il avait fait un film qui avait jasé, c'était. Oh, je ne retrouverai plus le titre, mais avec Dieu dedans, ou Satan. Oui, voilà, exactement. Ah, je sais plus. Si ma fiche contenait plus que 95 Louis Malle, je t'aurais répondu, mais malheureusement, c'est tout ce qu'il y a dans d'accord. La fiche. D'accord, ok, mais bon. Visiblement, mais voilà, bon. Pas beaucoup travaillé. Alors, sachez qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'ingénieur électricien au Brésil. Voilà, c'est une journée officielle, aujourd'hui, la journée de l'ingénieur électricien. Comment on voilà. peut se dire, eh allez, aujourd'hui... Ça va être notre jour. Eh bien, je savais que tu me poserais la question et j'ai cherché. Eh bien, figure-toi que c'est la date à laquelle fut fondé en 1913 l'Institut électrotechnique Itajuba au Brésil. Et ils se sont dit, ok, ça, je prends et on en fait une fête nationale. Et comment ils l'honorent ? Comment ? Comment ils l'honorent ? Tout simplement en disant, aujourd'hui, non, on va pas faire l'accent. On va pas faire l'accent, on a beaucoup d'échecs sur les voix aujourd'hui. Donc non, parce que là, non, mais t'es sûr que c'est Itajuba ? Itajuba. C'est pas plus tard, Itajuba. Non, non, ça finit avec un A accent, donc je ne sais pas. Si on a des amis brésiliens, n'hésitez pas à m'insulter. Alors, également, on fêtera aujourd'hui ce qu'on appelle la Saint-Clément. Donc les Cléments, les Clémences, les Clémentines, les... Et voilà, tout ce qui est Clément, c'est aujourd'hui, c'est vous, bravo à vous. Bravo. Et puis j'ai noté un petit dicton, passer la Saint-Clément ne sème plus de froment. Voilà, petite indication. Oui, parce qu'il risque de pas germer et de geler avant de germer, quoi. Voilà. Hein, c'est pour ça. Mais en vue de la récolte l'année prochaine. L'année prochaine. On est d'accord. Moi, j'y connais rien du tout en semences. Mais... Bah, tu ensemences à l'automne pour que ça commence à germer. Et puis après le froid arrive et puis au printemps hop là ça grandit ça pousse, et voilà ouais, quoi ça tu vois, a l'air d'être c'est une science que tu récoltes. C'est une science finalement qui est aussi vieille que l'homme quoi. Ah bah, ah bah c'est complètement une science. Là l'agriculture c'est, voilà quoi. Hey merci pour tout qu'est-ce qui s'est tu passé. Bah écoutez de rien. Un 23 novembre on a parlé d'Emma Domas. Oui. Ça serait dommage de ne pas mettre Emma Domas. Oui c'est vrai. Tu seras et puis un petit coup. Vous savez que je suis sorti avec elle au lycée. C'est non, c'est avec Nolwenn. Ah oui, c'est vrai, avec Nolwenn. Elle t'appelait ma belette. Pourquoi ma belette ? C'est quoi le truc ? J'entends tout le loup, le renard et la belette. Le jeans. Oh là. C'est Nolwenn. Ah, il m'a dommage, attention. Oui, autant bon. Pourquoi j'ai plus de musique ? La distance. futur à présent, mon chemin face au vent, pour vivre à tous les temps. Emma Domas, tu seras. La matinale de 18h. L'émission qui vous réveille sur Fadjet. Arrêtez de jouer avec le matériel. Et avant le journal, quoi de mieux qu'un petit quiz sur l'actualité? Mais ouais. Ah, il y a tellement de choses. En plus, le champion n'est pas là, donc. Ah oui, c'est vrai que Jocelyn, il est chiant parce que là, au moins, avec trois questions, on est arrivé à 19h. Ça, c'est l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de préparer grand chose, quoi. Voilà. C'est notre Paul Elkarat à nous, quoi, hein, pour faire référence à Elkarat. Paul Elkarat, c'était un ancien joueur de l'émission à midi, les 12 coups de midi, et qui fait maintenant partie des grosses têtes. Mais il est voilà. Et il répond tout, ouais, c'est ça. Et il répond tout, mais c'est hallucinant. Enfin, voilà. Donc, notre Paul Elkarat à nous. Il fait de la radio maintenant avec les grosses têtes, c'est marrant, ouais, ça. Ouais. Mais il le dévergonde en plus dans les grosses têtes. Ouais, voilà, enfin il tente. On va tout de suite partir, je ne vais pas vous dire où, sinon ça serait trop facile. Il vient de souffler ses 81 bougies. Qui est-ce? Est-ce que c'est un être humain? Oui, c'est un être humain. Non, mais tu vois, ça aurait pu être genre. Un être pas humain. Une ouais. place. Ouais, ouais, mais ou non, ouais, c'est voilà. un être humain. Un monument, quoi. Ah, c'est un monument. Non, c'est pas encore un monument, mais ça le sera. Est-ce que c'est un personnage de type français? Non. D'accord. Américain ? Oui, américain. Ah, c'est un américain. Comédien ? De 80 ans, c'est Joe Biden. Mais oui, c'est Joe Biden, okay. Effectivement. Il a fait un lapsus pendant son anniversaire. Vous savez, il a confondu qui avec qui. Je sais plus où est-ce que j'ai trouvé cet article-là, mais il confondait pas mal de monde. Ah bon ? Non ? Ouais, voilà. Non, mais je sais que moi, j'ai vu beaucoup de vidéos de lui. Je sais pas si c'est parce que j'ai un algorithme qui est anti-américain ou si c'est moi, mais il y a beaucoup de vidéos de lui où il se trompe dans ce qu'il dit. C'est très bizarre. Quoi. Là, il a confondu du Beyoncé avec du Britney Spears et en mettant un peu de Taylor Swift là-dedans. Oh franchement, là là, mais quel c'est lui qui mes parlait parents, de. Mes parents ont 20 ans de moins que lui et pourtant, il le ferait aussi. Quoi. Ouais. Mais ils n'ont pas 20 ans, ils ont 10 ans. Forcément, ça fait les choux gras aux États-Unis. Allez. Ça, je suis sûr que vous savez pas qui c'est qui a dit ça. Qui a dit, à la limite, si vous me trouvez son métier, c'est déjà bien. Qui a dit, entre la mafia et l'État, je préfère la mafia. La mafia a des codes, elle tient ses engagements, elle ne ment pas, elle est compétitive. Mm-hmm. Ah, je suis content de vous connaître là. Mais effectivement, c'est le même statut. C'est un président. C'est un président, mais alors de quel pays? De l'Uruguay. On est juste à côté. Non, c'est l'Argentine. Mais oui, l'Argentine, okay. Effectivement. Javier Milei, qui est un extrémiste capitaliste et qui vient de conquérir le pouvoir là en début de semaine. Et il est connu pour ses frasques. Je vous cite certaines de ses... Frasques ? Ses frasques. Donc, par exemple, alors, vous savez que le pape François est... Argentin. Non. Argentin, oui, bravo, un point. Voilà. Et donc, il dit du pape, le pape est le représentant du malin sur Terre, par exemple. Dans son pays. Il aime bien trouver des bons plans. Oui, voilà, merci. C'est ça. Merci c'est pour beaucoup. Ça qu'il est malin. Voilà, je l'avais hyper pas, ouais. habile, le pape. Si une entreprise pollue une rivière, où est le préjudice, par exemple? Ou une qui est assez croustillante, la vente d'organes est un marché comme un autre. Voilà. Donc c'est le nouveau président. J'ai un business moi là-dessus. Il veut enlever le pesos argentin et le remplacer par le dollar américain. Donc c'est voilà, c'est Il est en train de former son gouvernement. On attend de voir parce que lui, il dit qu'il va couper, il va trancher avec la réputation de ses prédécesseurs, puisque l'Argentine a une énorme inflation, puisque c'est 149%, je crois, d'inflation sur l'année dernière. Et donc, lui, il arrive en zéro, sauveur, hein, bam, bim, bam, boum, et on va voir ce que ça va donner. Je pense que les Argentins se disent oh, bah allez, on essaye, et puis on va voir. Comptez sur nous pour suivre ce dossier, en tout cas à la matinale de 18h. Bien sûr. Bien évidemment là pour le suivre. Allez, on part en Albanie ? Bah ouais, ouais, bah ouais, ouais. Le pays d'Alban. C'est exactement ça, plus. Mais en plus j'ai des origines albanaises. Vraiment ? Absolument. Ouais. Ok, d'accord. D'accord. En Albanie, qu'est-ce que fait l'opposition dans l'hémicycle pour contrer le projet de budget ? Est-ce qu'elle suce son pouce ? Non, non, c'est pire que ça encore. C'est pire que ça. Et est-ce qu'elle dort sur... Il y a que moi qui propose. Alors, des trucs non, là ou mais... J'ai l'impression que je suis seul dans l'équipe. Je vais te donner une info, mais qui ne se servira à rien. Le gouvernement au pouvoir, quand il était dans l'opposition, avait fait la même chose il y a de cela quelques années. J'ai rien compris. Imagine des gens qui sont normalement dans une assemblée et qui protestent. Qu'est-ce qu'ils font? Et ça a l'air d'être loufoque puisque Tristan en parle. Et comme on est dans une émission un peu loufoque. Voilà, tout à fait. Tu vois, mais c'est pas grave, jeune. Vous pensez rien de loufoque là, par exemple, non, je sais pas moi, baisser le pantalon. Voilà. Se faire une raclette. Non, c'est pire. Voilà. Ah alors, se faire une raclette, non, c'est pas ça. Mais est-ce que Alban, tu réfléchis trop là. Oui, balance pas, les premiers trucs qui te viennent à l'esprit. Là. Quelles sont les bêtises que vous faites en amphi en cours? C'est des trucs qu'on voit au football. Je vais vous aider parce que là, il y a personne qui parle. Ah, est-ce qu'il bute? Ils mettent des buts. Ils mettent des cartons. Ah ouais, t'as vraiment pas envie de fumigènes, répondre, quoi, en fait. Des fumigènes. Merci. Waouh, ok. Ah non, mais attends, tu penses match de foot, tu penses fumigènes. Ouais. Alors, je vais exactement te dire pourquoi. Parce que si tu veux, la semaine dernière, je suis retourné dans ma ville natale, à Auxerre, pour aller voir un match de foot avec mon neveu qui est fan de foot, bref. Et donc, on a été voir le match Auxerre-Saint-Etienne et on était juste à côté de la tribune là où sont parqués les supporters adverses. Mmh. Et je dis parqués parce qu'il y avait vraiment un grillage autour. Enfin, c'est vraiment des gens qui montent au grillage. Enfin, c'est très étonnant. Et ils ont allumé des fumigènes en permanence. Tu regardais de temps en temps avec un œil un tout petit peu inquiet parce qu'en plus, ils prenaient une très lourde défaite ce soir-là. Auxerre ? Non, de Saint-Etienne. Ah, Saint-Etienne, pardon. C'est des gens qui se déplacent de Saint-Etienne jusqu'à Auxerre en groupe pour danser torse nu et grimper au. Donc, tu te dis qu'ils prennent peut-être pas très bien la défaite, quoi. Peut-être pas. Peut-être c'est pas leur truc favori. Ouais. Et donc, du coup, voilà, ils ont allumé des fumigènes. Voilà. Très bien. Coup, voilà, donc. Instantanément associé fumigène à football. Et là, le truc, c'est qu'il y a un fumigène qui a commencé à mettre le feu au pupitre des députés. Donc, ils sont tous allés à bon cœur avec leur bouteille d'eau. Bon, ils ont réussi à l'éteindre. Mais voilà, ça s'est passé en Albanie. Il m'en reste un ou deux. On va le garder pour après le journal parce qu'on est déjà très en retard. Et puis, il y a encore le blind test chat, forcément. Que vous attendez et le blind test de James. Non, c'est pas blind test d'ailleurs, c'est un c'est quiz. C'est un test, c'est un quiz. C'est un test. Allez, c'est parti. Alanis Morissette, thank you. Thank you. Set Thank You. La matinale de 18h, l'émission décalée de Fadjet. Qu'est-ce qu'on est en retard là pour le journal? C'est un nouveau jingle. Alors oui, mais tu dis ça à chaque fois aussi. Ah ok. Il est 18h passé de énormément de minutes. C'est le journal présenté, le JAT, le James Alban Tristan. On commence tout de suite avec les informations national et international avec James. Un point sur les élections au sultanat de Brunei. Eh bien, en effet, Tristan, eh bien, il n'y a pas eu d'élection. Et ce, depuis 1962, hein, dans ce sultanat. C'est une monarchie absolue islamique de droit divin. Voilà, donc c'était ce point élection à Brunei. On se retrouve la semaine prochaine pour voir si la situation a évolué. Merci beaucoup. Elisabeth Borne rend un vibrant hommage à l'équipe de la matinale pour avoir baissé son taux de chômage de 20%. Effectivement, grâce aux nombreux contacts obtenus via notre émission, Jeanne a trouvé un emploi et s'est vue appelée personnellement par le Premier ministre pour le fait d'avoir baissé le chômage, donc de la matinale d'un cinquième, 20%. Elle a qualifié d'exemple pour la République. Je pense que tu peux témoigner cet appel a été instance. Jeanne est un exemple. C'est une info en elle-même. De nombreuses communes de banlieue tentent de dissuader les jeunes à traiter dans les halls d'immeubles avec une nouvelle invention. Cette invention, c'est le hall d'immeuble sans immeuble. Des structures contenant une cage d'escalier, des fausses boîtes aux lettres, mais pas d'habitation au-dessus. Et elles sont posées en plein milieu d'une zone HLM. Pour l'instant, le dispositif n'attire pas les jeunes, mais en attendant un peu, les maires des communes n'ont aucun doute sur le fait que ça va finir par mordre. À l'hameçon. Voilà. Bien sûr. On passe tout de suite aux informations locales. Information locale avec Alban. Elisabeth Borne, toujours. En visite à Ciré-sur-Vezouze pour défendre les sous-bocs à bière. Eh oui, si certains luttent pour la cause animale ou contre le réchauffement climatique, c'est bien pour les sous-bocs à bière qu'Elisabeth Borne se soulève. En effet, la Première ministre confie avoir une forme de fétichisme pour l'objet. Elle songe par ailleurs à en créer à son effigie. Si l'imprimé reste encore inconnu, les dimensions quant à elles en sont assurées. Ça sera du 49 cm par 3. Oh, joli. Gérard Mangin, éleveur de Père Noël dans le Saintois, commence la livraison. À l'heure où la place Stanislas s'orne du sapin de Noël, Gérard Mangin, lui, est prêt. Éleveur de Père Noël depuis 40 ans, cette suite au traumatisme face à la découverte de la supercherie se cachant derrière l'image du petit papa Noël, que Gérard trouve la solution. À défaut de conseiller les cours de théâtre à tous les parents du Grand Est, cet homme a décidé de leur venir en aide en élevant des Pères Noël dressés à répéter inlassablement « ho ho ho » et à continuer à être persuadé que les enfants peuvent être sages. La Légion d'honneur lui sera décernée courant 2024. Un bachamois boit un verre de Beaujolais nouveau, il le trouve bon. Dans cette phrase à la tonalité sympathique résonne le mépris et pour cause, non en raison du glyphosate implicitement contenu dans le Beaujolais nouveau, c'est la médiocrité du verre qui n'a pas plu au bachanois. Cette phrase fait voler en éclats bon nombre de certitudes quant au fait que seule la qualité de la boisson suffit. Pour lui, le fond et la forme comptent, c'est pourquoi Baccarat devient le sponsor officiel du Beaujolais Nouveau 2023. Fini de boire dans des éco-cups, c'est du cristal que l'on veut. Et oui, parce que les habitants de Baccarat sont des bachamois, bien évidemment. Ah, d'accord. Tu comprends ? Disais, d'accord. Et voilà. Oh. Bachamois, je ne le savais pas. Bachamois, pour chaque logis. La météo. Alors, quel temps va-t-il faire à Nancy demain? Vous vous posez probablement la question, et moi aussi. Tout à fait. Et c'est pour ça que je tape sur mon téléphone « Météo Nancy demain ». Et voici ce qu'on me dit, voici ce que je trouve. Eh bien, tout simplement, de la grisaille. Bah ouais. De la grisaille, et il fera nuit demain, à partir d'un certain moment. Très bien. Et à un moment donné, il y aura du vent. Merci. Tu gardes la main avec un quiz. C'est pas un quiz, c'est quoi? C'est un quiz sur les pseudos des stars. Alors, je vais vous donner des stars, des pseudos, des gens, et vous allez me dire, mais c'est qui en fait? C'est qui? J'adore. Voilà. Eh bah tiens. C'est le nom du quiz. C'est qui en fait? Voilà. Et je te balance un pseudo. Ah. Oui. Bah oui, mais je sais pas son vrai prénom. Il est pas dans ma liste. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Stromae, formidable. La matinale de 18h, l'émission en retard sur son temps. Et là, James, tu vas me dire que... C'est un nouveau jingle. C'est un nouveau jingle. Là aussi. Alors, hey. J'allais dire, mais c'est qui en fait? Parce que tu sais, il faut dire le nom du ouais. truc. Alors, exemple simple. Alors, principalement destiné à toi. Qui viennent juste d'arriver. Je vais donner des noms de personnes et vous allez devoir me dire de quelle personnalité célèbre est-ce le vrai nom, okay. Le vrai blaze. D'accord. J'ai envie de dire. Petit exemple avec quelqu'un que tout le monde connaît évidemment, non, que je seulement Tristan connaît, Claude Moine. Oh, je le sais. Ouais, Claude François. Sais. Claude Moine. Non. Vous n'avez oh là pas, là, ça m'énerve. Si, il est noir. Non. Attends. Non, il s'habille en noir. Attends. Il s'habille surtout les chaussettes en noir. Ah, mais oui, c'est Dick Rivers. Non. Non, pas loin. C'est Eddie Mitchell. Oui, c'était Eddie Mitchell. Voilà. C'était oh juste là, pour une... Alors, maintenant, vrai, vous vrai, inquiétez pas, bah, les filles, il y en aura aussi pour votre génération. À commencer par Peter Jean Hernandez. Je ne te regarde même pas, Tristan, car je ne pense pas. Si tu peux l'avoir, peut-être. Bah, c'est forcément. C'est un monsieur. C'est un homme. Il est français? Non. Il est américain. C'est une star internationale. Américaine. C'est un absolument. Acteur? Non, c'est un chanteur. Eminem. Non. Harry Styles. Il fait du rap? Il fait pas du rap, il chante très bien. Il chante, il est noir? Oui. D'accord. Il est mort? Non. Il a moins de 30 ans? Il a... The Weeknd. Pas loin. Hmm. Pour moi, dans ma tête, c'est un peu les mêmes. Mais en fait, ah ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est parce que je pense qu'ils ont fait des tubes en même temps. Mais son vrai nom? Non. Son vrai nom, je le connais quand même, moi. Oui, tu le connais, oui, en fait, tu le connais aussi. Hein. D'accord. Il a le nom d'une barre chocolatée, bon, voilà, je vous l'ai dit. Ah, Bruno Mars. Voilà, c'est Bruno Mars. Ah. faut les stopper là. Il faut les... Je peux flinguer leur micro. Hein, s'il faut. C'est le verre à l'eau. Jeanne a passé l'émission sur son téléphone et maintenant elle gueule. C'est ça. Voilà. Elle compense. C'était mieux quand j'étais au chômage. Hein. Alors. Oh là là. Voilà. Alors, un autre Mathieu Tota, vous le connaissez tous. Mathieu Chénide. Elle a dit Matt Pokora et elle a bon bravo. Yeah, ça fait un point pour Tristan, un point pour Alban et c'est qui l'a eu celui d'avant? C'est encore Tristan qui l'a eu deux. Alors, maintenant un autre, j'en passe certains parce que je sais qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Stéphanie Johan Angelina Germanotta. Angelina Jolie? Non. C'est deux filles là? C'est son nom en entier. Ah, Stéphanie... Lady Gaga! Oui, c'est Lady Gaga, wow. Bravo. Superbe. Une très très très facile, vous allez trouver. Très vite, Jennifer Anastasakis. Jennifer Aniston, effectivement. Ouais. C'est le vrai nom de Jennifer Aniston. Et alors, petite. Donc elle est grecque alors? Elle est grecque. Et petite trivia, dans Friends, il y a un épisode où elle voit un mariage, le mariage des Anastasakis. Ouais. Où il y a un prêtre grec qui y officie et voilà, c'est son vrai nom qui est mis ici. Qui officie? Ouais, qui officie, exactement. Mmh. Pas qui officie du tout. Daniel Amidou. Qui est Daniel Amidou? À votre avis? C'est un homme ou une femme? C'est un homme, Daniel Amidou. Il est français? Il est français. Il est acteur? Il est acteur. Il a gardé son prénom ou pas du tout? Il a, oui, ça ressemble. Enfin, oui. Danny Boone. Danny Boone, c'est ça. Ah, voilà, merde. C'est Daniel Amidou. Daniel Amidou. Oui, parce que son papa, je crois, est Kabil. Je crois. Alors, j'ai vu récemment une émission avec lui, mais je ne saurais pas te dire. Nicolas Kim Coppola. Nicolas Cage. Nicolas Cage, absolument. Oh, ouais, très fort. Très bien. Mais non, mais c'est le neveu de Francis Ford Coppola. Ah, c'est vrai qu'il est de la famille du je Coppola, crois. Ouais. Charlotte Gonin. Qui est Charlotte Gonin? Gainsbourg? Non. Non. Est-ce qu'il y a Charlotte dans son... Non, franchement, c'est le truc le plus introuvable. Elle est française? Ouais. Christine and the Queens. Non, mais pour moi, Charlotte Gonin, c'est vraiment le nom de quelqu'un qu'on pourrait avoir dans sa classe. Ouais. Charlotte Gonin, elle est dans ta classe, tu vois. Et il y en a pour qui c'était le cas à Mulhouse, notamment. Ouais, j'étais en là troisième où elle a, là où elle a grandi. Avec Charlotte Gonin. Ouais, ouais. Mais son surnom, il ressemble pas Charlotte de quoi, ça n'a rien à voir du tout. Il n'y a même pas de Charlotte. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune lettre, limite. Clara Luciani. Non. Donc c'est une chanteuse? C'est une chanteuse, absolument. Donc une chanteuse Angèle au nom qui a une consonance un peu plus italienne, qui est due à sa grand-mère, je crois, qui était italienne. Une chanteuse actuelle? Une chanteuse actuelle, oui. Une chanteuse elle qui est d'ailleurs marraine de la Star Academy. Et Madomas? Formation. Non. Zazie. Ah, Jennifer? Non. Elle Alizé chante. Alors, je vais vous mettre sur la voie, mais. Mets-nous sur la voie. Mais j'ai envie de dire que les jours passent. Mais. Vita! Oui, c'est ça. Mais je vois. Mais. J'ai pas la ref, moi. Donc. Ouais, c'est Charlotte Gonin, c'est Vita. Voilà. Okay. C'est Vita, tout simplement. Un autre du même genre, c'est Vincent Crochon, qui était en seconde avec Vincent Crochon. Oh, Vincent Crochon. Alors c'est Slimane, du coup. Non, il est acteur. Il est acteur, ouais. Français. Oui. Il est né en 1966. Lindon. Vous avez bien écouté. Ah, c'est un vieux. Non, c'est pas Vincent Lindon. 1966. Ah oui. Oui, il est d'accord. Ouais, voilà. Lambert Wilson. Est-ce que tu veux que je l'imite? Ouais. Ah, ok. Vas-y. François Cluzet. Qu'est-ce qu'elle a ma tête là? Vincent Cassel. Oui, Vincent Cassel à nouveau. Ah bon? Je savais pas que c'était pas son vrai prénom. Parce qu'il a pris le même nom que son papa, Jean-Pierre Cassel. C'est Vincent Crochon. Et d'accord, ok, je savais pas. Allez, un petit ou deux. Ah, un qui m'a étonné. Un petit qui m'a étonné. Bien sûr. On attend. Ah oui. Juan Moreno y Herrera Jiménez. Poutine. Hollande. On n'est pas si. Macron? Non, c'est pas un homme politique, mais dans le sens où on ne s'y attend pas. Bah, en tout cas, moi, je ne m'y attendais pas. Non. Patrick Sébastien. Et pour le coup, c'est un acteur, et pour le coup, la réponse est dans la question. Juan Moreno. Jean Dujardin. Herrera Jiménez. Juan Moreno. Jean Marais. Non. Ah, mais c'était bien essayé. Il y a un Jean dedans. Il y a un Jean, ouais. Il y a un Jean, ouais. D'accord, ok. Et il est français? Il est français, ouais. Jean-Paul d'accord. Belmondo. Jean Reno. Jean Reno, ouais, c'est Jean Reno, voilà. Ah, Juan Moreno, Jean Reno. Voilà. Allez, on termine en beauté avec la très très délicieuse Catherine Elizabeth Hudson. Catherine Elizabeth Hudson. Isabelle Huppert. Non, j'ai pas ça. Paul Prébois? Non. C'est quoi, c'est une chanteuse? C'est une chanteuse américaine? Non, une chanteuse non américaine. Française? Européenne? Non, européenne, oui. Angleterre? Anglaise, oui. Adèle? Elle est anglaise, non. D'accord. Elle a chanté. Madonna? Non. Elle n'est pas anglaise, Madonna. Non, Adèle, on a déjà dit. Si elle est anglaise, malheureusement, Madonna. Malheureusement, on a déjà dit, Alba. Et non. On va regarder si elle est anglaise ou pas, Madonna. Madonna, pour moi, elle est américaine. Bah, elle est américaine. Non. C'est pas grave. Ouais, alors, la question. Donc... elle n'a pas lâché l'affaire, donc. Alors, vas-y. Donc, on est sur une chanteuse anglaise qui est vraiment une immense star des années 2010 et plus. Et au passage, effectivement, ah ouais, elle est américaine, Madonna. Ah, voilà, fais voir une chanson. Bah, c'est facile, mais California Girls. Katy Perry. Ouais, c'est Katy Perry. Ah, voilà. Pourquoi je ne savais pas qu'elle était anglaise. Pourquoi je l'ai mis mieux que Vincent Cassel. Ah. Attends, je voulais faire un tout allez, dernier, un tout dernier avant de rendre l'antenne. Paul Van Haver. Paul c'est pas. C'est Van pas. Van Damme. Non. Ok. Van Haver. Paul Van Haver. Alors là. Paul Van Haver. Et il est belge. Belge. Stromae. C'est Stromae, voilà. Ah, okay. On en parlait tout à l'heure. François Damien. Ah bah c'est intéressant tout ça. Voilà. Je suis sûr qu'il y en a énormément d'autres que l'on pourrait encore. Et bien sûr, citer, voilà, on en fera bien d'autres si les téléspectateurs ont apprécié. Et est-ce que tu crois que Rock Voisine, c'est son vrai nom? Je ne sais pas. Tu sais pas? Non. Vous avez 3 minutes pour savoir. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Nos jeux dans les vagues près du quai, je n'ai vu le temps passer. L'amour sur la plage désertée, nos corps brûlés enlacés. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Make me crazy about you. Pourquoi tu pars, reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. All the things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars si loin de moi. Là où le vent te porte, loin de moi. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Dans ton pays loin là-bas. Dans ton pays loin de moi. Rock Voisine, Hélène. Et alors, c'est son vrai prénom ? On ne l'a même pas regardé. Ah, Hélène. On parlait de tout et de rien, mais pas de. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. Allez, il nous reste 4 minutes. Et en 4 minutes, on va peut-être se faire un petit blind test chat. Si ça vous dit, oui. Autour de la table, voilà. Ça, c'est quoi? C'est un truc qui s'est écrasé, là. T'as marché sur une grenouille. J'essaie de faire le chat comme toi, mais... Ok. Ah non, mais ça, c'est un art. C'est tuné sur le sol. Ok, alors c'est parti. Donc, je rappelle aux auditeurs qui étaient là, qui n'étaient pas là il y a 15 jours. Je vais faire le chat, comme ça. Wow. Et je vais chanter une chanson très connue, française. Oui, monsieur, madame. Et vous devez faire le chien, ouf, ouf. Avant de donner la réponse. Eh, franchement, si les États-Unis nous achètent pas le concept, bah, si les États-Unis nous achètent pas le concept, ah bah, clairement, ça, je comprends pas. Clairement. Ce qui m'arrangerait, parce que comme il y a que moi qui sais faire le chat, je pourrais aller là-bas, quoi. Voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est parti. Ça sert à rien dans ce concept. Vous êtes prêts? Oui. Okay. Oui. Pour moi, c'est Picsou. Hein, mais... Non, rien de rien. Oh, quand même. Wow. Edith Piaf. Oh, merci. Bah, je l'ai fait pour toi, en plus. Oh, c'était dur. Piaf, ton chat, il avait l'air d'articuler un petit peu, quand même. Ok, allez, un point pour Jeanne. Je regarde le temps qui nous reste. Ce serait ballot de dépasser sur un miaulement, quand même. Autre musique, c'est parti. Attends, hop là. Ne me quitte pas. Ouais, oh, oui. Non, mais c'est pas vous avez possible. Pas fait chien. Non, mais chien, c'est... Mais... Allez, c'est parti. Attends, voir. Alors, oui, celle-là, je l'ai faite la semaine dernière. Sans entraîner, alors. Ok, c'est parti. Oh la vache, c'est bien. Je vous fais l'air en plus. Hein. Like a Virgin? Non, c'est okay. Français. Ah, d'accord. Moi, je l'ai là que tu connais Mara, mais ça doit pas être ça. Il était la semaine dernière, je crois. Oh là là. Je vais et je viens entre terrains. Oh, oh ouais, d'accord, j'aurais jamais trouvé. Moi, je suis pas l'âge. Alors, attends voir. Alors, celle-là, vous la connaissez même pas, donc je vais pas la mettre. Y en a... Ah oui. Ok, c'est parti. Elle a les yeux revolver. Oui, bravo. Oui. Non, Marc Lavoine. T'es super forte, c'est impressionnant. Son chat dort sur son visage. Est-ce qu'on a le temps pour une petite dernière? Oui. Une petite dernière. Ok. Attends, voir. C'est comment déjà l'air de celle-là? Ah oui, celle-là. Ok. J'ai demandé à la lune. Wow, Alban du Saint-Bonheur sur le gong. Attends, t'as vraiment fait. Bravo, bravo. Ouais, tout le monde a marqué au moins un point. Bravo, Alban. Je crois que c'est le meilleur truc de la matinale. Ouais, s'il y a des producteurs hein, qui nous écoutent, n'hésitez pas. Fais des sonneries de téléphone comme ça. Tiens. Quand tu seras hyper célèbre. N'hésitez pas. Et c'est la fin de cette émission. Oui, un bras se lève. J'ai une petite actu. Retrouvez. Alors ça y est, toi tu travailles à la toute fin de l'émission. Ouais, retrouvez le Speed Impro le 28 novembre. C'est un mardi soir au Bar à Mousse. 20h05.